Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur 15 ans de scandales financiers. Il y a tout juste un mois, les Paradise Papers révélaient au monde ébahi les stratégies d'optimisation fiscale des gouvernements, des personnalités politiques, artistes sportifs de premier plan et grandes entreprises. De l'affaire Clearstream aux Panama Papers, les fuites massives de documents se multiplient ces dernières années, donnant lieu à des enquêtes tentaculaires. Petit à petit, chacune de ces affaires dévoile les secrets les mieux gardés des paradis fiscaux, où particuliers fortunés et multinationales cachent leur argent pour échapper à l'impôt. Un monde où pratiques légales et illégales se côtoient pour parfois se confondre. Mais dans tous les cas, un manque à gagner considérable pour les États en grande difficulté depuis la crise de 2008. Et à chaque fois, c'est le même procédé. Un lanceur d'alerte, en général un employé d'une structure bancaire, décide de copier des données confidentielles de son entreprise. Il les transmet ensuite à des journalistes, charge à eux de les exploiter. Ce procédé porte aujourd'hui un nom, les leaks, fuite en français. Alors, comment ces affaires ont-elles pu voir le jour et que disent-elles également du journalisme d'aujourd'hui ? Pour revenir sur ce phénomène, nous recevrons en deuxième partie Jacques Monin, le directeur de la cellule d'investigation de Radio France, qui a participé à l'enquête sur les Paradise Papers avec le consortium de journalistes ICIJ, un réseau international de professionnels qui travaille sur les révélations des lanceurs d'alerte. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu à l'agence de presse Première Ligne à qui l'on doit plusieurs révélations. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Février 2001, un ouvrage énigmatique s'invite dans les vitrines des librairies, Révélation au pluriel. Couverture noire, titre en grosses lettres rouges et S en forme de dollar, l'ouvrage est signé par un certain Ernest Baques et par le journaliste Denis Robert. Denis Robert s'est fait un nom dans l'investigation. Dans les pages du journal Libération, pendant plus de 10 ans, il a sorti de nombreuses affaires politico-financières, des irradiés de Metz, le compte suisse des partis républicains ou encore l'affaire de la villa de Gérard Longuet. Mais depuis 3 ans, l'enquêteur a quitté Libé et s'est retranché dans sa maison d'architecte à côté de Metz avec femme et enfant. L'envie de se consacrer à l'écriture de romans d'abord et d'être indépendant aussi, car il n'a pas perdu le goût de l'investigation. Au contraire, avec Révélation, il tient peut-être même son plus gros coup. Tout commence 2 ans plus tôt, lorsqu'il fait la connaissance d'Ernest Baques, ancien numéro 3 d'une société bancaire luxembourgeoise désormais célèbre, Clearstream, un organisme interbancaire à l'origine qui conserve les traces de toutes les transactions effectuées par les banques entre elles dans le monde entier, une sorte de banque des banques. Et comme elle est basée au Luxembourg, elle bénéficie à l'époque de la protection du secret bancaire du Grand-Duché. Et cela rend toutes ses pratiques très opaques. Mais ce monstre financier est aussi un établissement où l'on peut déposer de l'argent. Et c'est en étudiant de plus près cette activité que Denis Robert va faire une découverte majeure. Il se trouve qu'Ernest Baques lui a transmis les listings de 16 000 comptes. En les épluchant, le journaliste découvre l'existence d'une double comptabilité. La plupart des sociétés mentionnées ouvrent un compte officiel et un autre officieux ou disons non publié. Et ce dernier a pour vocation d'être plus discret et disons plus souple. Un compte qui peut servir à des financements occultes, à recevoir de l'argent de rétrocommission ou à rendre propre de l'argent sale. Le Luxembourg lave-t-il plus blanc ? Toujours est-il que Denis Robert pense avoir ouvert une brèche dans le monde très secret des paradis fiscaux, comme il l'explique au journaliste de l'émission Envoyé spécial en 2006. Ma motivation, elle est où passe l'argent. Voilà où elle est ma motivation. Et je me contente pas des réponses des juges ou même des journalistes ou de ce que je lisais qui disaient « Oui, quand ça part dans les paradis fiscaux, ça disparaît. » Ça disparaît pas. Et je le prouve. Et je prouve avec cette histoire qu'il y a une finance parallèle. C'est comme on vous raconte partout que l'argent du crime, c'est très mystérieux. On parle de trous noirs, de la finance, etc. Là, j'ai photographié un continent qui s'appelle finance parallèle. On le voit, il est délimité. On peut mesurer son épaisseur. Je montre le chemin qu'on utilise pour y aller. Je dis que c'est pas très compliqué. Je dis que c'est là. Sur toute la planète, vous prenez un globe et vous mettez votre doigt à Luxembourg et vous dites Clearstream. Denis Robert en est certain, il s'apprête à déclencher un scandale financier planétaire et sans précédent. Oui, mais voilà. Dans les semaines qui suivent la sortie du livre, rien ne se passe, ou presque. Bon, il y a bien quelques articles à droite à gauche, mais la presse lui réserve un accueil très froid, y compris le grand quotidien Le Monde, qui s'était pourtant porté candidat pour être partenaire du livre. Pire encore, le journal du soir démonte sa démonstration dans plusieurs articles au vitriol, fustigeant, je cite, « un livre aux explications alambiquées » et dénonçant une enquête, je cite encore, « qui souffre d'une méthode fondée principalement sur l'affirmation et la juxtaposition ». Le quotidien s'appuie sur quelques erreurs que Denis Robert a laissées passer. Dans le reportage d'Envoyé spécial consacré à Denis Robert, Edoui Plenel, alors directeur de la rédaction du Monde, assume pleinement ce positionnement. Nous avons eu à juger un truc qui nous est arrivé comme un paquet cadeau. Nous, on a dit mal ficelé, pas assez convaincant. Et nous, on a dit, il a probablement raison de pointer Kerstream. Mais au nom de quelle autorité le Monde devrait suivre les yeux fermés la façon de faire de Denis Robert? C'est pas un écrivain. Si on parle de l'enquête qui met en cause des gens, c'est grave de mettre en cause des gens. Eh bien, il faut qu'on soit un petit peu d'accord sur la façon de faire. Le fait que Le Monde nous ait cassé comme il nous a cassé, ça a cassé la mécanique qu'on avait mise en place. Parce qu'on n'est pas non plus né de la dernière pluie. C'est-à-dire qu'on avait prévu un plan média assez puissant, quoi. On avait rencontré des journalistes étrangers, etc. Et tout le monde était édifié par ce qu'on avait découvert. Et le fait qu'on se fasse assassiner comme on s'est fait assassiner, ça a cassé cette mécanique. Le scandale Clairstream est comme tué dans l'œuf. Seuls Vincent Payon et Arnaud Montebourg, alors tous deux députés socialistes, lui donnent crédit. Ils auditionnent Denis Robert et Ernest Baquès dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur le blanchiment d'argent. Mais on est très loin de la gloire espérée. Le journaliste est attaqué de toutes parts, sa réputation est piétinée. Et Denis Robert entame 10 années d'enfer. Oui, lynché par ses confrères qui l'accusent d'imposture et lâché parfois par ses propres amis. Il va surtout subir l'acharnement judiciaire de Clairstream, qui dépose plainte sur plainte pour diffamation, l'entraînant dans un combat genre David contre Goliath, qu'il mène seul contre tous. Il n'en maintient pas moins ses accusations dans plusieurs autres livres et documentaires. Mais derrière les attaques personnelles, le manque d'engouement autour des révélations de Denis Robert témoigne aussi d'une certaine tolérance, en fait, envers l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Ne serait-il finalement pas si choquant? Il faudra attendre près d'une décennie pour que les scandales financiers émeuvent et révoltent, enfin. The subprime crisis. Subprime crisis. As a result, our entire economy is in danger. 2008, coup de tonnerre sur les marchés financiers. La crise des subprimes met en difficulté certaines des plus grandes banques du monde et provoque une crise économique durable. Des États-Unis à la France, de l'Espagne à l'Islande, certains des États les plus puissants du monde entrent en récession et soumettent leur population à des politiques d'austérité. L'épisode braque la lumière sur les dérives de la finance internationale, de plus en plus insupportables pour les opinions publiques. Dans ce contexte, faire entrer de l'argent dans les caisses à travers l'impôt devient vital. Dans ce contexte, les politiques vont désigner un nouvel ennemi, les paradis fiscaux. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? Pourquoi c'est important? Parce qu'à quoi sert-il, je le dis à nos compatriotes, de faire des règles dans notre pays, si des grandes banques, dans notre pays ou ailleurs, peuvent avoir des filiales dans les paradis fiscaux qui s'exonèrent des règles prudentielles qu'on essaie de faire respecter chez nous? Il n'y a plus de paradis fiscaux. J'avais dû dire ça à Londres. Ça m'avait valu quantité de moqueries. Mais on y était arrivé. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Cette déclaration de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, date de 2009. Un vœu pieux, qui ne va pas tarder à être contredit par des scandales financiers de plus en plus spectaculaires. Et pour en arriver là, il aura fallu une petite révolution dans le monde de l'information. Et cette révolution porte un nom, Wikileaks. En une et en gros caractère. Pour le Guardian, c'est l'événement. Il faut dire que la révélation de documents confidentiels sur la guerre en Afghanistan est massive. La plus grosse fuite depuis la guerre du Vietnam. Le quotidien britannique en fait 14 pages et Der Spiegel en Allemagne 17. Les deux titres s'appuient sur Wikileaks. Ce site internet publie aujourd'hui des dizaines de milliers d'archives militaires remontant jusqu'en 2004. Révélations sur les victimes civiles, les liens supposés entre talibans et services secrets pakistanais. Les documents jettent une lumière crue sur la guerre en Afghanistan. Nous sommes en juillet 2010. Julian Assange, le très controversé fondateur de Wikileaks, vient de réussir un coup d'éclat. Sur son site internet, il publie 90 000 documents confidentiels de l'état-major américain sur la guerre en Afghanistan. Quelques mois plus tôt, le site internet s'était déjà fait connaître en diffusant la vidéo d'une bavure militaire accablante pour l'armée américaine. Et il ne compte pas s'arrêter là. En octobre de la même année, ce sont cette fois 250 000 câbles diplomatiques confidentiels américains qui sont révélés au grand public. Pour diffuser ces révélations, le fondateur de Wikileaks propose à des lanceurs d'alerte de lui envoyer ou de lui déposer les documents en leur possession sur son site internet. Il leur garantit anonymat et confidentialité grâce à des techniques de pointe en matière de cryptographie. Une démarche qui, selon lui, permet de faire mieux que la presse traditionnelle, comme il l'explique d'ailleurs lors d'une conférence donnée en 2010. Julian, bienvenue. On a dit que Wikileaks, votre bébé, a ces dernières années révélé publiquement plus de documents classifiés que la totalité des autres médias dans le monde. Est-il possible que ce soit vrai ? Oui, est-ce possible ? C'est un souci, n'est-ce pas ? Que la totalité des médias dans le monde fasse si mal son boulot qu'un petit groupe d'activistes soit capable de révéler plus de ce genre d'informations que le reste de la presse mondiale combinée. L'activiste ne manque pas de tacler les journalistes. Ils auraient délaissé l'investigation et la véritable enquête. Une critique de la presse, bof, dans l'air du temps. Pour autant, il s'appuie sur les plus grands titres, le New York Times aux États-Unis, le Guardian en Grande-Bretagne ou le Monde en France, qui relaient chacun de ses scoops. Et des éditions qui se vendent comme des petits pains. Wikileaks popularise ainsi une nouvelle pratique, le leaking, autrement dit, la fuite massive de données. Mais ces publications posent quand même un certain nombre de questions. Faut-il tout publier ? Jusqu'où doit aller la transparence ? Et quel est le rôle des journalistes ? Sans le savoir, Julian Assange vient d'ouvrir la voie au renouvellement de l'investigation journalistique. Ces dernières années, les évolutions numériques transforment considérablement la conservation des documents. Dans les entreprises et les administrations, fini l'archivage papier, place à la numérisation des données. Les archives qui s'entassaient auparavant dans des salles de plusieurs mètres cubes peuvent désormais se transporter dans la poche d'un pantalon ou sur des clés USB ou des disques durs, ce qui les rend d'autant plus faciles à partager. C'est aussi ce qui va permettre aux journalistes de dévoiler certains des secrets les mieux gardés des paradis fiscaux, des affaires financières qui explosent de manière de plus en plus retentissante. Le samedi 6 avril 2013, le journal Le Monde titre en une « Paradis fiscaux, deux grandes banques françaises épinglées ». Le quotidien détient la preuve que des établissements bancaires de ce pays ont facilité l'ouverture de sociétés offshore, autrement dit des sociétés installées à l'étranger et exemptes d'impôts pour des clients en quête de discrétion. Un scoop sitôt repris par toutes les chaînes de télé. Deux grandes banques françaises sous le feu des projecteurs. Selon le journal Le Monde, le Crédit Agricole et la BNP ont multiplié les filiales dans les paradis fiscaux. Car leurs noms apparaissent dans une base de données gigantesque. Au total, 2,5 millions de fichiers secrets, mettant en cause 120 000 sociétés offshore et 130 000 particuliers partout dans le monde. Au minimum, ce serait 1 250 milliards d'euros placés dans des paradis fiscaux, trois fois le budget annuel de la France. Des fichiers récupérés auprès d'anciens employés de grandes sociétés financières et confiés à un collectif de journalistes internationaux. Cette révélation, les journalistes du quotidien Le Monde la doivent à une histoire rocambolesque. Tout commence d'ailleurs comme dans un polar. Un an plus tôt, en 2012, Gerald Ryle, un journaliste australien reconnu, trouve devant sa porte à Canberra, où il habite, un paquet contenant un disque dur. Il vient tout juste de terminer une grande enquête financière. Mais lorsqu'il essaie de lire le disque, les fichiers plantent systématiquement son ordinateur. Quelques semaines plus tard, il a rendez-vous aux États-Unis car il est candidat au poste de directeur de l'ICIJ, l'International Consortium of Investigate Journalists, un organisme spécialisé dans l'investigation. Une aubaine, se dit Gerald Ryle. Ils pourront peut-être l'aider par la même occasion à déchiffrer le disque dur. Il s'envole donc pour Washington, son mystérieux paquet dans ses bagages. À peine arrivé au rendez-vous, il leur dépose son mystérieux appareil sur le bureau. C'est le début de l'Offshore Leaks. Et voici comment ces journalistes vont réussir à sortir l'affaire. C'est Marina Walker Guevara, membre du consortium basé à Washington, qui l'explique au micro de la correspondante de France Inter aux États-Unis, Fabienne Sintès. Au début, on pêchait vraiment à l'aveugle, dit-elle. Et le grand changement, ça a été quand nos collègues de Nouvelle-Zélande ont pu décrypter les données et créer des listes par pays. Là, on a pu aller voir les reporters sur le terrain en disant, par exemple, voilà des Français, qui est-ce qui est important, qui est-ce qui ne l'est pas. Faire collaborer des journalistes du monde entier, c'est la force et tout l'intérêt de la HCIJ. Le consortium est l'émanation du Centre pour l'intégrité du public, créé en 1997 par le journaliste américain Charles Lewis. L'organisme dispose alors d'un fichier de 160 confrères qui sont à la fois vigies et banques de données. Quand la HCIJ reçoit les données apportées par Gerard Ryle, il a déjà sorti plusieurs affaires sur les excès de la pêche en mer, par exemple, ou le trafic de tissus humains. Et les révélations de l'Offshore Leaks vont le faire entrer dans une nouvelle ère, celle de la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Ce scandale financier est en effet le premier d'une longue série. Gerard Ryle, qui prend la direction de l'ICIG suite à ces révélations, ne compte pas s'arrêter là. Il pense déjà à son prochain coup. Et justement, le consortium a repéré l'enquête d'un journaliste français. Master. If one of them is so ferocious, don't worry about it. The disciples are now well aware of the fact that my kung fu is unbeatable. Brother, we trap Shaolin here. You must take command. Don't resist. You are a traitor. Avenge Master Death. I rely on you. That's when my heart turned cold. I'm a product of the block. We used to cook the product in the pot. Add soda, turn the product into rock. It's in my DNA, you see, it started with my pops. In his heyday, he probably put your father in the box. In my heyday, I probably put the product in my sock. Ain't no vacay. The props become a problem when it's hot. Mayday, mayday, but no charge. I'm nutty with the bars, that's a payday. So, bruh, this ain't even a bar, this is AA. Back up in the trunk with the AK. Each line pack a fabulous punch, no diss to Ray J. Nah, see, I don't dab and I don't nay-nay. Got bottles coming out, warriors come out and play, ayy. Just know I'm grade A, get a slice of bread. Okay, some hoods love me, someone like me dead. Okay, my goon hungry, his eyes is red. Buddy clumsy, go oops upside your head. We at Dro and Poet Suckers. Range Rovers flood up the rucker. Me a thousand chains on, I got put on with luck. Evergreen baggies, selling capsules, running the classroom. Slick bastards getting cream, yelling cash roll. Smile like Pacquiao, but under the leather. Hold a Mac 1-0, pumping up in 1-0, the Grammy hour. Coke chemist, taste the flow is numb. Needs a copper rum, blunting off the get back, salute me, then one, I'm out, off to the races. My blazers ain't patient, they wanna spray, get elephant blown for stalking rape. You whack, something like a cheap trick. Mike in the Billie Jean vid, I got the streets lit. Shining star, find another, you gon' find it hard. Certain depth that can walk off with minor scars. Firing squad, defying the odds. And the flow solitary, just me behind the bars. Sparks up the bulletproof, game-based intensity, applied ingenuity, tech criminology, sharp mathematically, certified, recognized by every eye worldwide. Back to the streets of the do-or-die hustler. I understand politics, consistent, never quit, superstar, right hits. Come have a listen, y'all. Getting money, flipping it, scripting it, record it. Fans that applaud it, ship a 100 mil, they bought and took a snort of it. Quotes like heroin, coke mixed with dope. Have an overdose, cardiac, a loss, spin the beat back. Watch the magnetic track them, club pack them. They stiff cause the wisdom is swift when I'm attacking. Out of everybody getting these deals, you got all these black motherfuckers getting deals. You know what I'm saying? They're getting deals, and everybody got a deal, and everybody happy. And Wu-Tang, we the best. Bonsoir, vous aimez le monde merveilleux des affaires, vous allez adorer les enquêtes de cash. À l'heure où l'Europe entière resserre tous ses budgets, où on ne parle que de rigueur, certaines grandes sociétés utilisent toutes les failles pour échapper au système. Ce manque à gagner avoisinerait plusieurs dizaines de milliards d'euros pour les caisses de la France. Nous avons découvert ce qui devait rester caché sûrement à jamais, plus de 40 000 documents en tout, sur lesquels apparaissent les montages fiscaux souvent douteux de certaines des plus grandes sociétés du monde. « Voici les toutes premières minutes du magazine Cash Investigation, produit par l'agence de presse indépendante Première Ligne, diffusée le 11 mai 2012 sur France 2. Pour son premier numéro, la chaîne publique propose une enquête intitulée « Paradis fiscaux, les petits secrets des grandes entreprises » réalisée par notre confrère Édouard Perrin. C'est cette enquête qui va taper dans l'œil de l'ICIJ. Édouard Perrin a en effet récupéré 40 000 documents auprès d'un lanceur d'alerte, Antoine Deltour. Pendant 2 ans, l'homme est salarié du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, l'un des 4 plus gros cabinets d'audit mondiaux. En 2010, alors qu'il vient de démissionner, il copie un certain nombre de ses archives avant de partir. Il tombe alors sur un dossier nommé ATA pour Advanced Tax Agreements, aussi connu sous le nom de Tax Rulings, accords fiscaux en français. Il en découvre des centaines entre le Luxembourg et des grandes entreprises. Étonnamment, ce dossier n'est pas protégé. Aucun mot de passe. Il décide donc d'en copier les pièces et de les emporter avec lui. Quelques mois plus tard, il essaie de contacter des ONG et il laisse des commentaires dans la presse. Mais personne ne réagit. Jusqu'à ce qu'Édouard Perrin, qui vient de démarrer son enquête, tombe sur l'un des commentaires anonymes. Le journaliste cherche à comprendre comment les grandes entreprises organisent leur évasion fiscale en toute légalité. Très vite, il réalise qu'il a affaire à quelqu'un de très bien informé et qu'Antoine Deltour peut être un témoin clé. Il demande donc à le rencontrer. Lors de leur rendez-vous, le lanceur d'alerte accepte de lui laisser copier les dossiers confidentiels de PricewaterhouseCoopers. Et c'est en analysant cette masse d'informations qu'Édouard Perrin va enfin comprendre le mécanisme qu'il expose dans son film. Une multinationale française fait des bénéfices partout dans le monde. Si elle les remonte directement au siège en France, ils sont taxés. Alors l'entreprise crée une filiale au Luxembourg, par exemple. Cette filiale reçoit les bénéfices. Ensuite, elle transforme ses bénéfices en prêt. Un prêt à la maison mère française. Évidemment, le prêt n'est pas gratuit. Le siège doit payer des intérêts sur l'emprunt qu'elle a contracté à sa filiale luxembourgeoise. Ces intérêts, la maison mère va les déduire en France de sa déclaration d'impôt. Résultat, les bénéfices imposables en France sont fondus, comme par magie. C'est légal, validé par le droit européen. Et tant pis pour les caisses de l'État français. Ce montage financier est donc réalisé par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers, où se trouve le siège de l'entreprise. Puis, celui-ci le transmet à Waterhouse au Luxembourg, qui les valide avant de les présenter au fisc du Grand-Duché. Et c'est donc par ce procédé que des géants mondiaux comme Amazon, Ikea, LVMH ou AXA parviennent à faire fondre leurs impôts dans les pays où ils réalisent des bénéfices. La démonstration est édifiante. Pourtant, après sa diffusion, l'enquête ne provoque aucune vague en France. Mais à Washington, l'ICIJ, le consortium de journalistes, est très intéressé par les 40 000 documents amassés par Édouard Perrin. L'organisme contacte donc le reporter et lui propose de les lui transmettre pour porter l'enquête à un niveau international. Et c'est le point de départ du LuxLeaks. En novembre 2014, presque 2 ans après la diffusion du premier cash investigation, l'enfer prend enfin parfum de scandale. Le consortium de journalistes a rassemblé une immense base de données de plus de 4 gigaoctets. Des documents qui ont fuité de plusieurs cabinets d'audit, dont ceux de chez PricewaterhouseCoopers, transmis par Édouard Perrin. Cette fois, la force de frappe est énorme. Une 50aine de médias internationaux enquêtent sur ces documents et ils révèlent que 340 grandes entreprises bénéficient d'accords secrets avec le Luxembourg. Le Grand-Duché pointé du doigt pour favoriser l'évasion fiscale à grande échelle. À tel point d'ailleurs que Jean-Claude Juncker, l'ancien premier ministre luxembourgeois, fraîchement arrivé à la présidence de la Commission européenne, est sommé de s'expliquer. Le 6 novembre 2014, il prend donc la parole devant les eurodéputés. Je ne m'excuse pas pour ce que j'ai pu faire pour mon pays. Évidemment, politiquement, je suis responsable par tout ce qui est fait par l'administration fiscale ou une autre administration. La commission que j'ai l'honneur de présider va lutter contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale. Et le devoir d'action consiste à faire avancer la fiscalité et l'harmonisation fiscale en Europe. Je le ferai, n'en doutez pas. Ne me décrivez pas comme le grand ami du grand capital. La proposition de Jean-Claude Juncker a de quoi étonner. Elle veut dire, en tout cas, que par ces révélations, l'ICIJ commence à ébranler les paradis fiscaux. Il faudra tout de même attendre près de 2 ans pour que le Luxembourg mette en place des règles plus strictes pour éviter les montages fiscaux abusifs sur son sol. Bon, une petite victoire. Mais pas de quoi freiner les investigations de l'ICIJ pour autant. Et le consortium de journalistes ne va pas tarder à s'attaquer à une autre place forte de l'évasion fiscale, la Suisse et son sacro-saint secret bancaire. Cette fois encore, ce sont des journalistes français qui sont à la manœuvre. En février 2014, une clé USB contenant des archives numérisées de la filiale suisse de la banque HSBC est transmise par un mystérieux informateur au journal Le Monde. Ces données ont été exfiltrées de la société par l'informaticien Hervé Falciani. Alors qu'il est en poste au sein de l'institution bancaire entre 2001 et 2008, l'homme est chargé de réorganiser la base de données de l'entreprise. En effectuant sa mission, il réalise que la façon dont les données sont traitées favorise l'évasion fiscale. Pendant 2 ans, il récolte les preuves de fraude fiscale potentielle impliquant 130 000 personnes. L'informaticien tente d'alerter les autorités suisses. En vain. Et il finit par être poursuivi pour espionnage industriel. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. En France, le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, tombe sur les données volées de Falciani lors d'une perquisition et lance une enquête contre les auteurs présumés de fraude fiscale. De son côté, Falciani est arrêté en Espagne, puis relâché après 5 mois de détention en 2013. Pendant ce temps, le procureur français Éric de Montgolfier poursuit ses investigations. Bien. Mais les années passent et l'affaire piétine. C'est dans ce contexte que la clé USB se retrouve entre les mains des journalistes du Monde. Le problème, c'est que les documents sont si nombreux qu'ils rempliraient l'équivalent d'un train de marchandises. Se pose alors une question, comment vont-ils pouvoir les exploiter? La suite, c'est Serge Michel, journaliste pour Le Grand Quotidien, qui la raconte au micro de Nicolas Demorand dans un journal Monde. D'abord, on passe quelques mois à réfléchir, à essayer de le faire nous-mêmes, mais en vérité, 100 000 comptes sur un fichier, c'était trop pour nous et c'était des pays et des situations trop compliquées. Donc on a partagé ce fichier. C'est un geste qui est assez rare dans l'investigation. En habitude, les journalistes tiennent leurs scoops et ils le font tout seuls et ensuite ils... Voilà, mais... Et donc on partage et eux mettent au point ce réseau incroyable de 55 journaux. Et pas de fuite, hein. Ça n'a pas fuité, comme on dit dans le métier. Et pas de fuite, ça fait 6 mois qu'on est dessus et personne n'a fuité parce qu'au fond, on se dit si l'un d'entre nous avait lâché le truc, la honte qu'il aurait eu de oui, c'était rapport à... une honte intercontinentale. Voilà. Hein. Le consortium met immédiatement en branle son réseau de journalistes. Cette fois, ils sont 154 à se pencher sur les précieuses données. Pour qu'ils puissent traiter les documents, l'ICIJ met à leur position des outils de collaboration, comme par exemple des bases de données. À l'heure du big data, les journalistes doivent se transformer en as de l'informatique. Pour exploiter les documents de la fuite, ils vont donc croiser des bases de données de parlementaires ou de personnalités avec celles des clés USB. Un travail titanesque qui va durer 6 mois, avec un impératif, surtout éviter les fuites qui anéantiraient leurs chances de succès. Alors, chacun se met de garder le plus grand silence. C'est pour cette raison que l'ICIJ a mis en place un réseau social sécurisé, une sorte de Facebook uniquement accessible aux journalistes du consortium. Le réseau est ultra sécurisé. Pour s'y connecter, le mot de passe change toutes les 30 secondes. Les investigateurs ne peuvent communiquer que via ce forum. Ils y partagent les trouvailles intéressantes, s'aident pour comprendre comment fonctionnent les fichiers ou pour décoder le vocabulaire bancaire complexe. Dans ce lieu de rendez-vous unique, chacun doit partager ses trouvailles avec les autres. De concurrents, les journalistes deviennent collaborateurs et l'ICIJ une super rédaction internationale. 6 mois plus tard, ce travail de fourmi finit par porter ses fruits. L'examen des données de la clé USB révèle 180 milliards d'euros de fraude fiscale et les noms de 3000 personnalités françaises. Et pour que ces révélations fassent un maximum de bruit, une même date de publication est arrêtée pour tout le monde. Le 8 février 2015, les journalistes peuvent enfin publier leur découverte, immédiatement reprise par les autres médias. Le scandale de l'évasion fiscale et ses nouvelles révélations du journal Le Monde et de grands médias internationaux qui détaillent le système d'évasion de grande ampleur mis en place dans les années 2000 par la filiale suisse de la banque HSBC au bénéfice de ses riches clients, Sophie Piard et Xavier Depert. Sur le site internet du journal Le Monde, les chiffres sont impressionnants. La fraude fiscale atteint 5,7 milliards pour les seuls contribuables français. Des personnages aux profils variés, comme l'acteur Gad Elmaleh ou le coiffeur Jacques Desange, qui ont remboursé le fisc. Mais comme le précise Fabrice Lhomme, journaliste au Monde, d'autres clients de la banque sont moins fréquentables. Sur les listings, nous, on n'a pas trouvé seulement des vedettes people. Ce qui est plus intéressant et plus inquiétant, c'est que vous avez des narcotrafiquants, vous avez des financiers d'Al-Qaïda, vous avez des criminels ou des mafieux qui ont mis leur argent là-bas pour le blanchir. Et ça, c'est évidemment choquant. Les personnalités peu recommandables côtoient donc des célébrités. Parmi elles, certains noms de la liste comme Alain Afflelou ou Christian Garambeau sont simplement en situation irrégulière. D'autres, en revanche, sont complètement dans l'illégalité, comme Arlette Ritchie, l'héritière de la maison de couture Nina Ritchie. Poursuivie pour fraude fiscale, elle a été condamnée à 1 million d'euros d'amende et 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Un jugement dont elle a fait appel. En tout, le fisc a estimé à 5 milliards 700 millions d'euros les sommes cachées par les contribuables français. De son côté, la filiale suisse de la banque HSBC a été mise en examen en France pour complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale et complicité de démarchage illégal. Au Royaume-Uni, les députés ont ouvert une enquête sur ces pratiques. Et en Suisse, la banque a préféré payer une amende de 38 millions d'euros plutôt que d'aller à un procès. Les SwissLeaks révèlent donc l'ampleur de la fraude fiscale. Elles montrent également que la pratique est plus vivace que jamais. L'affaire confirme aussi l'entrée du journalisme dans la mondialisation et la collaboration transfrontalière entre rédactions. Face à des fuites de documents impliquant des acteurs de toute la planète, une seule rédaction nationale ne suffit plus. Ces nouvelles pratiques redonnent ses lettres de noblesse au journalisme dit d'investigation, bien que ce soit un pléonasme, car tout journaliste doit enquêter, recouper, quel que soit son poste. En tout cas, il ne faudra pas attendre très longtemps pour que cette tendance se confirme. En avril 2016, en effet, l'ITIJ sort l'affaire de tous les records avec les Panama Papers. Cette fois, ce sont les données du cabinet de conseil panaméen Mossack Fonseca qui sont révélées. Une fuite gigantesque de plus de 11 millions de documents confidentiels détaillant des informations sur 214 000 sociétés offshore. Quelques mois plus tard, en novembre 2017, les Paradise Papers, impliquant 13,5 millions de données, révèlent 350 milliards d'euros de fraude fiscale. Les affaires de leaks ne semblent plus avoir de limites. Arriveront-elles pour autant à avoir un jour raison des paradis fiscaux ? Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who are them? Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'évasion fiscale et les leaks avec notre invité Jacques Monin. Bonjour Jacques. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur de la cellule investigation de Radio France. On peut notamment entendre vos enquêtes dans l'émission Secret d'Info sur France Inter tous les samedis à 13h20. Vous avez participé à l'enquête sur les Paradise Papers avec l'ICIJ. Pas facile à dire, oui. Hein. Investigative Journalism. Ouais. Moi, j'ai dû le dire au moins 30 fois. Bah voilà, c'est fait. Le fameux consortium de journalistes. Dites ICIJ. Oui, on peut dire ici, peut-être. Bah oui, en tout cas, l'important, l'essentiel, c'est que ce soit le fameux consortium de journalistes internationaux dont il a été question dans ce récit. Alors, il n'y a que 3 organes de presse en France qui font partie de l'International Consortium of Investigative Journalists. J'ai dit journalism. Non, journaliste. Journalisme d'investigation, journaliste d'investigation. D'accord. Alors, il y a Le Monde, l'agence de presse indépendante Première Ligne, qui produit le magazine Cash Investigation pour France 2. Et nous, donc, Radio France. Alors, racontez-nous, Jacques Monin, comment vous vous êtes inséré dans ce nouvel ensemble, dispositif journalistique. Vous savez que la direction de l'investigation de Radio France est relativement jeune puisqu'elle a été créée à l'été 2014. Donc peu à peu, elle s'est étoffée. Il y a une première année de fonctionnement. Il y a une deuxième année où l'équipe s'est encore une fois renforcée. Et puis il y a eu un moment où on s'est dit vers quel projet on veut s'orienter et comment est-ce qu'on pourrait développer notre activité puisque notre vocation n'est pas que de produire l'émission Secret d'Info, mais de faire des enquêtes, de piloter des enquêtes qui ensuite sont diffusées sur l'ensemble des chaînes de Radio France. Et un des axes de développement qui nous semblait évident pour des questions à la fois techniques et des questions de valeur, c'était de s'associer à des projets collaboratifs de ce type-là, parce qu'il nous semblait que le sens de l'histoire, c'était ça, c'était d'aller vers quelque chose de plus collaboratif, et il nous semblait que le sens de l'histoire, c'était que le métier est en train d'évoluer. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. On était dans un journalisme de loup solitaire qui investissait les cabinets des juges, des avocats, enfin, etc. Et qui pouvait être parfois contredit par des confrères. Qui pouvait, alors oui. Mais ça, c'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent, ça peut toujours être le cas d'ailleurs. Mm-hmm. Mais qui surtout récupérait de la matière qu'on leur donnait, qui était une matière déjà clandestine, puisque quand vous récupérez un dossier d'instruction, ce dossier est couvert par le secret de l'instruction. Donc ça, c'est pas nouveau, il n'y a pas véritablement de différence avec ce qui se passe avec les fuites. Simplement, aujourd'hui, les dossiers qu'on récupère, bah, ce sont pas un dossier d'instruction qui traîne ou quelques documents comme ça. Ce sont parfois, effectivement, et ça c'est l'ère de la numérisation qui nous amène vers ça, des fuites massives, monumentales, qui nécessitent donc une autre organisation et qui font qu'on ne peut plus voir notre métier exactement comme on le voyait avant. Donc, faut être plus nombreux, faut travailler ensemble, faut plus garder les choses pour soi. Et puis, il faut se former aussi à un mode d'analyse des données qui est quelque chose de relativement nouveau. Donc, on voulait faire ça. Et pour faire ça, vers qui on se tourne naturellement, bah, c'est ICIJ, puisque ce sont effectivement eux qui aujourd'hui pilotent les enquêtes les plus intéressantes au niveau planétaire. Voilà, et ça donne aussi une vue globale, c'est intéressant, parce que souvent quand des journalistes enquêtent, ils peuvent avoir du mal à aller au bout de leur enquête, parce qu'on leur enlève des maillons de la chaîne d'information. Évidemment, on leur enlève. Il manque un maillon. Alors souvent c'est volontaire d'ailleurs, de la part de ceux sur qui on enquête. Hop, on enlève un maillon, on a du mal à voir la chaîne entière. Est-ce qu'on a une vue plus global avec cette méthode-là? Alors oui et non, parce que les choses se passent par étapes. C'est-à-dire que quand vous êtes dépositaire d'une somme colossale, là c'était 13,5 millions de données, que cette somme est mise à disposition de l'ensemble des journalistes, là on parlait tout à l'heure d'opérations à 55, là on était 96 médias. Hein, et on parlait d'opérations à une centaine de journalistes, là maintenant on en est à 380 et quelques. Donc on est quand même dans des autres échelles, mais même malgré ça, quand vous avez accès à cette base de 13,5 millions de données, il faut bien choisir. Donc la première chose que vous faites, c'est de choisir les informations, les données qui concernent essentiellement vos clients, c'est-à-dire les gens de votre pays, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des entreprises. Donc vous passez au crible tout ce qui peut présenter un intérêt chez vous, et vous le passez au crible de ces données pour voir si des voyants s'allument, si des noms apparaissent, si des noms d'entreprises apparaissent. Mais là, vous avez qu'une vue parcellaire des choses. Parce que quand, par exemple, on a vu que le nom de Jean-Jacques Hano apparaissait dans les données, ou quand on voit que Whirlpool apparaît dans les données, ou Total apparaît dans les données, elle est où l'histoire? Et là, on l'a pas complètement. Ouais. Donc, il faut après creuser un peu plus pour récupérer tous les documents qui ont trait à ces noms, pour essayer de reconstituer quelque chose. Et puis, une fois que vous avez reconstitué quelque chose, vous passez à une deuxième phase, qui là est un journalisme un peu plus à l'ancienne, c'est-à-dire que malgré, faut pas croire que tout nous est donné par les données. Les données, c'est le début de l'histoire. Mmh. La deuxième partie, c'est le travail d'enquête, en fait, basique, hein, aller recouper, vérifier, chercher, ouvrir des portes. Et donc, c'est bien, et tant mieux que cette fonction-là subsiste. Hein. Et tant mieux. mieux. J'allais dire, de toute façon, ce qui sous-tend notre travail n'a pas changé. Hein. Mmh. Vérifier, recouper, enquêter, ça, la méthode, elle est la même. Ce sont juste les outils dont on dispose qui sont différents et avec lesquels il faut composer. Mais après, évidemment, puis il faut aller voir les gens. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a identifiées, sur lesquelles on s'est dit, oh là là, là, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales, ou il y a des choses qui sont discutables, on les a contactées, on leur a dit, voilà ce qu'on a découvert, qu'est-ce que vous avez à y dire. Et ça a prolongé l'histoire aussi. Et ça nous amène des informations supplémentaires, puisque la quasi-totalité de ceux qui ont été contactés nous ont répondu. Certains ont accepté des interviews, d'autres non, mais en tout cas, ça a permis aussi de faire avancer l'enquête. Donc en termes d'efficacité, vous qui êtes dans le reportage depuis longtemps, Jacques Monin, vous avez pu vérifier que si ça ça ne soupe pas du travail, en tout cas, c'est un outil vraiment efficace. Il y a eu un avant et un après. Il y a un avant et un après, incontestablement. Après, ça ne permet pas de travailler sur les mêmes choses. C'est-à-dire que là, la question de l'évasion fiscale, pas forcément d'ailleurs de la fraude fiscale, hein, on l'a vu avec les Paradise Papers, la question de l'évasion fiscale, elle est mondiale. Donc quand vous avez une multinationale française comme Total qui a des implications, des filiales, des centaines de filiales dans des tas de pays, bah, il faut pouvoir avoir accès aussi à ce qui se passe ailleurs. Et de la même manière, quand vous avez des grosses multinationales étrangères qui ont pignon sur rue ou qui ont des filiales en France, il faut que vous puissiez avoir aussi accès à l'ensemble des documents. Donc là, ce qui est formidable dans ces masses de données, c'est qu'on a, c'est un peu comme si vous aviez une loupe et puis vous prenez du champ et tout d'un coup, vous avez l'ensemble des pays qui peuvent apparaître. Donc ça vous donne accès à des zones qui étaient des zones grises dans lesquelles on ne pouvait pas aller auparavant. Les paradis fiscaux par nature, c'était ce qu'il y avait de plus opaque. Et si vous l'avez noté, j'imagine, mais les paradis fiscaux auxquels on a eu accès dans les Paradise Papers, c'est très différent des Panama. Panama, c'était un pays. Ouais. Là, c'est 19 pays. Mais oui. C'est 19 pays. Les îles Caïmans, on n'y était pas. Les îles Vierges Britanniques, on n'y était pas. L'île de Man, on n'y était pas. Souvent des micros-États, en plus. Les Seychelles, etc. Ouais. L'île Maurice, perdu, on en a plein. Parfois, dans l'océan. Alors, je l'ai dit en introduction, hein, parmi les membres français de ICIJ, il y a une agence de presse qui s'appelle Première Ligne, et c'est donc elle qui a produit l'émission Cache Investigation pour France 2. Bonjour, Annel Verzo. Bonjour. Vous êtes notre reporter et vous êtes rendu dans les locaux de cette agence de presse qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Et oui, Fabrice, j'ai rencontré Luc Herman, qui est le cofondateur de l'agence avec Paul Moreira, et avec lui, il se pose la question il répond à la question du financement des enquêtes. Eh bien, écoutons-le. Alors, il y a des financiers un peu partout dans le monde qui font l'erreur majeure de couper dans les budgets d'investigation. Oui, l'investigation, ça coûte cher parce qu'on ne trouve pas l'information dans sa boîte mail en se levant chaque matin. Et pourquoi ils font une erreur majeure? C'est que c'est la condition sine qua non pour continuer à avoir un public. L'enquête sur les Panama Papers, l'enquête sur les Paradise Papers... Vous disiez, c'est 15%? Oui, 15% de l'audience ce soir-là. C'est une excellente pour audience. Les Panama Papers. C'était une excellente audience pour France 2. Plus de 3,5 millions de téléspectateurs. Donc, nous, on est très fiers. Alors, Luc Herman, comment vous faites pour financer le journalisme d'investigation que vous faites? C'est-à-dire, comment vous faites pour donner un salaire à Édouard Perrin ou d'autres pendant un an sur une enquête? Est-ce que vous avez une trésorerie énorme comme ça ou comment... Non, on est très modeste, c'est une toute petite entreprise. Donc première ligne, avec mon associé Paul Moreira, effectivement, on fait travailler une cinquantaine de personnes à l'année. Heureusement qu'on a le financement de France 2, grande chaîne publique, dans la collection Cache Investigation. Vous allez continuer sur les leaks? Oui. Alors, on peut pas vous raconter parce qu'on est très secret. D'ailleurs, sur le secret, dans ce bureau ici, chaque fois qu'on fait des réunions, on débranche les téléphones et on laisse tous nos portables dans une autre pièce. Donc, ouais, il y a de nouveaux projets. Hier, on avait une grande réunion. Les prochaines enquêtes d'investigation pour Cache Investigation auxquelles on est en train de réfléchir en ce moment ne seront pas prêtes avant janvier, février 2019. On part sur des enquêtes de très longue haleine. Plus d'un an. Plus d'un an d'enquête. Et c'est très rare, hein. Et si c'est le seul endroit première ligne où on peut passer un an sur une enquête? C'est l'un des très rares endroits. Vous avez tout à fait raison. Merci. Il y a un open space. Puis là, ici, on a toutes les salles de montage. Ah. Là, ici, il y a 5 salles de montage. Il y en a 8 de l'autre côté, là-bas. Là, c'est le prochain numéro de Cache Investigation. Vous avez vu, il n'y a rien marqué sur la porte. On est très discret. C'est juste montage 1, mais après, il y a un panneau blanc. Voilà. On ne saura pas de quoi il s'agit. C'est secret, secret. Là-bas, un grand documentaire qui est en cours pour France 3. Ça pose dur, là. Tout le matériel. Tout le matériel de tournage, voilà. Vous êtes bien équipé. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, le secret, Jacques Monin, c'est condition sine qua non pour réussir. Comment faites-vous pour le garder, y compris dans les couloirs de Radio France, parce que c'est une rédaction, donc c'est rempli de gens bavards, une rédaction, ça bouillonne. Sinon, on fait un autre métier, donc c'est normal. Comment le secret, ça a été vraiment la condition sine qua non de l'ensemble de l'opération. Alors, le secret, ça passe par plusieurs choses. Ça passe effectivement par une communication qui est hyper verrouillée, c'est-à-dire que vous ne communiquez ni par téléphone, ni par SMS, ni par mail. Ou si vous communiquez par mail, vous ne communiquez que par mail chiffré. Ensuite, entre l'ensemble des partenaires d'ICIJ, on communique effectivement ce que vous expliquiez tout à l'heure via cette plateforme sécurisée qui permet un double accès, c'est-à-dire à la fois un accès à l'ensemble des partenaires pour faire état de nos découvertes au jour le jour, au quotidien, en temps réel, et en même temps pouvoir communiquer avec d'autres confrères qui eux ont trouvé d'autres choses dans d'autres pays. Il faut savoir par exemple que, on parlait de Jean-Jacques Hano, mais les Argentins ont utilisé ce que nous on a trouvé ici parce que 7 ans au Tibet a été tourné en Argentine. On a fait des choses sur le Boléro de Ravel qui ont été réutilisées aux Pays-Bas. Donc voilà, et nous on a utilisé des choses qui ont été faites au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. Donc il y a une communication permanente et cette plateforme nous permet aussi d'avoir accès aux données et donc de traiter les données. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de réduire au maximum effectivement le clan des initiés. C'est-à-dire que, y compris à la direction de l'investigation de Radio France, il y avait seulement 4 personnes qui étaient au courant des sujets sur lesquels on travaillait. Et effectivement, y compris dans les rédactions de Radio France, on a expliqué qu'on travaillait sur un projet ICIJ 15 jours avant la diffusion, et on a donné le contenu des sujets 3 jours avant la diffusion. Mais ça, ça n'est pas par manque de confiance ou pour mettre de côté les uns ou les autres. C'est uniquement parce que quand vous vous engagez dans ce type de projet qui implique autant de monde, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire vous signez un document dans lequel vous vous engagez à la plus grande confidentialité. Et vous imaginez si la moindre fuite était venue de chez nous dans un projet d'une envergure pareille. Mais oui, c'est, ça, c'est une déflagration terrible. Donc ça, on ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque-là. Bien, retour au reportage. Annaëlle, vous avez rencontré la correspondante à Paris de ce fameux consortium ICIJ dont on a tant parlé. Ben, on va l'écouter. Alors, on se trouve devant le local de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. Et le local français se trouve juste en face de l'agence Première Ligne. Cécile Gallego, je suis journaliste à l'ICIJ. La joie donc, vous avez un panneau d'affichage, les 350 milliards cachés de l'évasion fiscale, les comptes offshore des proches de Marine Le Pen, c'est un article du Monde. Et vous Cécile, vous travaillez sur quoi ? Alors, un sujet sur la musique, les données contenaient un catalogue de musique, de droits d'auteur, qui était détenu sur l'île de Jersey. Donc qui échappe au fisc ? Oui. Qui était concerné du coup ? Des gens comme Avril Lavigne, Bob Marley, Sheryl Crow. Bob Marley. Oui, la chanson Get Up Stand Up faisait partie des droits qui étaient exploités du coup à Jersey. Et c'est pas en fait les artistes directement qui ont placé ces droits à Jersey, c'est qu'ils les ont vendus à cette société qui se trouvait en Irlande et les droits étaient détenus à Jersey. Donc c'est un peu ce, on a essayé de raconter ce montage. Le circuit, le montage financier. Voilà. Qui permet d'échapper au fisc. Voilà. Est-ce que, suite à la publication des différentes affaires, vous avez eu des pressions financières ou des entreprises qui ont été mises en cause, qui a tenté de vous intimider ? Il y a souvent des menaces, donc ils envoient des lettres en disant qu'on ne peut pas utiliser ces données ou qu'ils ne sont pas d'accord avec les conclusions que nous on a tirées ou en tout cas avec les faits que nous on avance. Et après, une fois qu'on publie, de ce que je sais, on n'a aucune procédure en cours actuellement à la suite à la publication d'enquêtes. Ben voilà, pression, intimidation, mais pas de problème judiciaire pour le consortium international des journalistes d'investigation. On va dire quoi ? Tant mieux pour eux. Oui, en revanche, les sources et les journalistes des médias français qui publient les enquêtes ont eu pas mal d'ennuis judiciaires. Par exemple, les lanceurs d'alerte dont vous avez parlé, Antoine Deltour et Raphaël Allais, anciens salariés du cabinet d'audit financier spécialiste de l'optimisation fiscale PricewaterhouseCoopers, eux ont eu quelques soucis judiciaires. Oui, vous avez informé Édouard Perrin, le journaliste à l'origine des révélations sur les LuxLeaks. Oui, eh bien, ils ont été accusés par leur ancien employeur donc de leur avoir volé des documents révélant des accords fiscaux. Voilà, ils ont été condamnés en appel, mais un pourvoi en cassation est en cours, Naël. Et de leur côté, le journaliste Édouard Perrin et donc le lanceur d'alerte Raphaël Allais attaquent en référé une ordonnance qui a été prise par le tribunal de Metz en 2014 et qui a permis au cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers de perquisitionner le domicile de Raphaël Allais. Rien que ça. On va écouter les explications d'Édouard Perrin, justement, le journaliste de Cache Investigation. Alors ça veut dire quoi ce que vous dites là ? Ils ont violé le secret des sources avec l'appui d'un juge français. C'est-à-dire qu'habituellement, les perquisitions, c'est quand même décidé, c'est les magistrats dans qui... Dans ce cas-là, un magistrat d'ailleurs n'aurait jamais autorisé une perquisition qui visait tout simplement à violer le secret des sources. Là, c'est un cabinet privé qui obtient cette autorisation-là. Devant un juge civil. Grâce à ce document, ils peuvent faire un acte qui est un acte de procédure quasiment criminel, c'est-à-dire pénétrer chez quelqu'un, lui saisir son ordinateur, accéder à sa correspondance, enfin tout. Mais ils ont obtenu ça grâce à un juge civil. Ça veut dire donner les pouvoirs de policier à un cabinet privé. C'est ça. Et ensuite, vous allez avec un huissier, un serrurier, et vous rentrez chez les gens, vous prenez les ordinateurs et vous repartez. Ça, c'est inédit ? C'est la première fois que ça arrive ou... À ma connaissance et à la connaissance des avocats avec qui j'ai discuté là-dessus, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une boîte morte. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte morte numérique, c'est tout simplement le fait d'ouvrir une adresse mail. Vous partagez l'adresse et le mot de passe avec quelqu'un et vous échangez les messages dans les brouillons et vous n'envoyez jamais les mails. Et donc, vous accédez à un brouillon, vous voyez ce que l'autre a écrit, vous l'effacez. Et ça ne laisse jamais de traces, puisque le message n'est jamais parti. On s'imagine, quand on entend la boîte morte, un grand procédé inventé par des hackers. Ah non, c'est très simple. Reportage d'Anel Verzou. Merci, qu'est-ce que ça vous inspire ? Enfin, ça vous parle tout cela, Jacques Bonnat, ce que vous venez d'entendre. Non, mais ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est que, et ça c'est ce que les Paradise ont montré aussi, la plupart de ces opérations, contrairement à ce qui est dit, c'est pas de la fraude fiscale. C'est légal, c'est-à-dire qu'à l'époque où on avait instauré cet acte, mais voilà, où on avait instauré cet axe ruling, c'était légal et donc PricewaterhouseCoopers est fondé en droit à dire on m'a volé des documents et donc il est normal, je suis une victime, donc il est normal que vous alliez investiguer pour me rendre et sanctionner ceux qui se sont rendus coupables de ce vol. Mais ce qui est dingue, c'est que ce vol, il est d'intérêt public et il permet de révéler justement quelque chose qui de fait est aussi scandaleux. Mais faut savoir quand même qu'on n'en est pas sorti. Vous évoquiez les grecs qui ont été faits. Il y a plus de 170 tax rulings encore en application aux Pays-Bas. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant les services fiscaux ont obligation de communiquer sur ces tax rulings. Mais communiquer, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire nous avons passé un tax ruling, donc ce qu'on appelle un rescrit aussi, un accord fiscal particulier avec telle entreprise, mais on ne vous dira pas sur quel montant, à quel taux de fiscalité, etc. Donc ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de transparence à ce niveau-là, ça ne sert non, à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien. Clair. On sait qu'il y a 172 accords, on sait avec quelle boîte, mais on ne sait pas à quel taux. Donc si on apprend demain que telle boîte a 0,5% par exemple d'impôt au Luxembourg, bah on aura une information qui aujourd'hui est une information théoriquement illégale. Alors, il n'y aura pas eu tout ça s'il n'y a pas eu les lanceurs d'alerte. On a toujours coutume de les appeler lanceurs d'alerte. Là aussi, la méthode évolue. Il y a une évolution terrible des choses. C'est-à-dire qu'on avait un lanceur d'alerte au début qui était quelqu'un de désintéressé, choqué, dont l'éthique était choquée par ce qu'il découvre dans son entreprise. Aujourd'hui, on est au centre d'une guerre dans laquelle des grandes puissances et des multinationales utilisent justement le piratage et la fuite de données comme une arme. Il y a deux journalistes, Pierre Gastineau et Philippe Vassé, qui viennent de publier, là, qu'ils publient ce week-end, un livre qui s'appelle « Armes de déstabilisation massive » et qui montre très bien ça. C'est-à-dire la Russie, par exemple, il y a de forts soupçons sur la Russie qui utilise ça, qui a compris qu'il ne suffit pas d'aller espionner, mais que l'outil suprême, maintenant, c'est de faire fuiter. On sait très bien que la Russie utilise ces moyens-là. Il y a même des cabinets d'avocats américains qui vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qui, pour défendre leurs clients, vont chercher des informations compromettantes pour leur adversaire, et comme ils n'ont pas le droit de l'utiliser dans des procédures judiciaires, ils les blanchissent en les faisant d'abord fuiter sur Internet. Parce que si c'est sur Internet, vous ne pouvez pas être coupable de faire du recel d'une information qui est déjà devenue publique. Donc il y a tout un jeu autour de ça qui fait que le lanceur d'alerte désintéressé, la fameuse boîte qu'on trouve devant le domicile de l'Australien qui a dirigé le CIA, on a maintenant derrière des puissances qui ont d'autres intérêts et qui cherchent effectivement à déstabiliser les uns les autres. Il y a beaucoup de conjectures autour de ça puisqu'il arrive dans ces fuites massives de données aujourd'hui qu'on ne connaisse pas, qu'on ne sache pas qu'il y a derrière. D'où la nécessité aussi d'un vrai travail journalistique, c'est-à-dire de voir à qui profite le crime, si les informations sont vraies, si au mieux ne se sont pas glissées de fausses informations pour intoxiquer, etc. Donc ça réhabilite d'autant plus la nécessité d'investiguer. Je fais appel à votre capacité à maîtriser le temps, puisque vous êtes un homme de radio, il reste 30 secondes. Moi je pense à Denis Robert quand je Je pense à tout cela, et notamment pendant le récit, d'ailleurs, on en a parlé. Mm-hmm. Ça a été un point de départ, Denis Robert. Ah oui, c'était un point de départ, incontestablement. Mm-hmm. Alors effectivement, il s'est trouvé face aussi à un listing sur lequel il y avait des choses qui n'auraient pas dû se trouver, ce qui a affaibli sa démonstration. Il s'est trouvé aussi coincé au centre, peut-être de guerre de personnes qui l'ont aussi marginalisé. Mais on l'a dit, la sensibilité depuis la crise de la dette a changé, et aujourd'hui, la question de l'évasion fiscale, elle est centrale, y compris dans l'opinion publique. Vous êtes parfait, Jacques Monin. Deux secondes près, tiens. Vous êtes parfait. Voilà, merci beaucoup. Une fois de plus. Non, au revoir. Mais vous aussi. À bientôt, Jacques Monin, dans les couloirs. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les paradis fiscaux et les leaks, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Roland Mahé qui était à la technique aujourd'hui. Demain, eh bien demain nous reviendrons, ça l'a déjà évoqué, avec un nouvel invité sur l'affaire Ranucci. À suivre sur France Inter, Antoine Decaune. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Au menu, s'il vous plaît. Oh là là, une émission historique. Étienne Dao et Marquis de Sade, les retrouvailles. Bon, vous allez d'histoire en histoire, Napoléon hier. Ah oui, bon. Cette émission historique, je vous le dis moi. Ça va tout être à l'heure. À tout à l'heure.